passé un très bel après-midi avec nous. C'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du changement de régime à la prise d'otage. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Avec le Shah, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Plein feu sur l'Iran. Le pays était en plein chaos et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre. Les États-Unis, qui avaient vendu des armes massivement au Shah pendant les années qui ont précédé la prise d'otage, ils n'avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition et à établir un réseau autre que celui du Shah. Troisième épisode, un homme chasse l'autre. La situation est si confuse en Iran que les diplomates occidentaux en perdent leur latin. Qui trace le chemin de la révolution? L'opposition est à la fois multiple, mais semble pour un temps faire un tout homogène, un tout contre le régime. Dans les cortèges, dans les manifestations, on ne demande pas seulement la fin du royaume, mais la mort du roi. Fin décembre 1978, en prévision d'un sommet international qui doit se tenir à la Guadeloupe, où les Allemands, les Anglais, les Américains et les Français se réunissent pour parler notamment de la situation iranienne, Valéry Giscard d'Estaing envoie un émissaire rencontrer le Shah dans son palais de Niavaran. Michel Poniatowski. Moi, je suis descendu à l'ambassade de France. Et on entendait des coups de fusil de tous les côtés. Il y avait les éléments révolutionnaires qui traversaient le jardin de l'ambassade en courant. Pour monter chez le Shah, je suis monté dans une voiture blindée, mais précédé d'un char et suivi d'une voiture de police, et ça tiraillait constamment. Donc le Shah sentait révolution qui approchait, qui enserrait peu à peu le palais. Les milieux militaires, surtout les services spéciaux américains, poussaient l'armée à agir. Et le poussaient, lui, à agir contre les islamistes. Mais il voyait aussi que les milieux diplomatiques des autres pays étaient beaucoup plus prudents, beaucoup plus réservés, beaucoup plus hésitants. Des militaires qui interpellent le Shah pour mettre fin au chaos. Kamal Habibollah, amiral du Shah d'Iran. J'ai pris nos propositions et je suis allé les présenter au Shah. Je lui ai dit, Votre Majesté, il faut écraser la révolution, sinon nous allons être submergés. Il a fait quelques pas, puis il m'a dit « Vous me demandez donc d'agir contre la Constitution ?» Je lui ai répondu « Nous sommes en train de perdre le pays, je vous en prie, il faut agir. » Il a refait quelques pas, puis il a dit « Vous n'avez rien d'autre à me proposer. » Je suis resté un moment sans rien dire, puis il a rajouté « Oh, je suis fatigué de tout ceci. » Les États-Unis sont pris de court. Depuis plus de 30 ans, le Shah œuvre main dans la main avec les présidents américains pour barrer la route au communisme. C'est dans ces jours-ci que Jimmy Carter lance ce mot malheureux dans lequel il définit l'Iran comme le seul îlot de stabilité dans une région qui, il est vrai, n'en compte guère. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability. In one of the more troubled areas of the world. Charles Nass, chargé d'affaires américain à Téhéran, est souvent en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis en Iran. Nous étions tous les deux invités à une soirée. Nous passions de groupe en groupe, séparément, pour discuter avec divers généraux et amiraux. Quand j'ai demandé au général Rabi comment évoluait la situation, il m'a répondu « Tout va bien ». Je suis alors allé voir l'amiral Habibollah et je lui ai posé cette même question. Où en est la situation? Kamal Habibollah. On répondait, la situation est sous contrôle, l'armée est prête. On ne voulait pas admettre que le régime était en train de s'écrouler. Charles Nass. Le pays était en plein chaos. Et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre, rien. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le matin, je me suis précipité à l'ambassade et j'ai dit à mon supérieur, « Monsieur l'ambassadeur, ça ne va pas marcher. » Il m'a souri et il m'a tendu une liasse de feuilles qu'il venait de rédiger et qui portait le titre « Pensez l'impensable ». Dans ce rapport, l'ambassadeur ne mâche pas ses mots. Le régime du Shah est en grand danger. Le président américain convoque aussitôt une réunion d'urgence. Jimmy Carter. Nous pensions que les États-Unis auraient tout à gagner à maintenir le Shah en place. Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. On était inquiets. Si le Shah venait à être renversé, il y avait un risque que cela déstabilise non seulement l'Iran, mais toute la région. Comment sauver le maître de l'Iran? Du côté des conseillers du président américain, on est plus que divisé. Warren Christopher. Tout comme le secrétaire d'État Cyrus Vance, je pensais que la meilleure option pour le Shah était celle des réformes, d'organiser des élections anticipées et de prendre des mesures en matière de droits de l'homme pour gagner la confiance du peuple. Zbigniew Brzezinski. Vous rétablissez l'ordre pour réaffirmer votre autorité, puis tout de suite après vous lancez des réformes. Mais il faut d'abord qu'il sache que vous êtes le chef. Gary Sick, analyste américain de la politique au Moyen-Orient, spécialisé sur l'Iran. Rattaché au Conseil de sécurité nationale sous trois présidences différentes, celle de Gerald Ford, de Jimmy Carter et de Ronald Reagan. Brzezinski était d'avis de dire clairement au Shah que les États-Unis ne s'opposeraient pas à une initiative un peu musclée de sa part. Il appelait ça la main de fer. Le message adressé par les États-Unis au Shah n'est pas clair. On lui demande à la fois d'être dur avec les manifestants, tout en leur accordant des concessions. Le Shah convoque alors l'ambassadeur. Amir Aslan Afshar, chef du protocole de la Maison royale d'Iran. Sa Majesté lui a demandé, les États-Unis veulent-ils, oui ou non, que j'opte pour une approche plus ferme ? Charles Nass, le chargé d'affaires américain, est une fois encore aux côtés de l'ambassadeur. Et là, l'ambassadeur Sullivan a dû répondre, « Majesté, je n'ai pas d'instruction à ce sujet. » Évidemment, le Shah était très déconcerté. Ultime tentative. Il entreprend des consultations afin de construire un gouvernement d'ouverture. Pour convaincre de sa bonne foi, il donne quelques signes. La dissolution du parti unique, Rastakiz, l'emprisonnement du général Nassiri, le directeur de la SAVAK, et de son ami, l'ancien premier ministre, Amir Abbas Oveida. Mais le pays réclame toujours au minimum son départ et pour les plus engagés, sa vie. À la toute fin du mois de décembre, le Shah fait une apparition télévisée. En tant que souverain d'Iran et en tant qu'Iranien, je ne peux pas désapprouver la révolution populaire iranienne. Je vous promets de respecter la constitution et la volonté du peuple. Nous combattrons la tyrannie et la corruption. Le Shah annonce également que sa famille et lui-même vont bientôt prendre des vacances prolongées. Un départ annoncé pour la mi-janvier. Les Américains décident qu'il est temps d'intervenir. Jimmy Carter. Nous voulions être sûrs que le Shah bénéficie encore d'un soutien dans son pays et que l'Iran n'allait pas s'effondrer. Zbigniew Brzezinski. J'ai dit au président qu'il fallait voir comment allait se comporter l'armée iranienne. Pour cela, Jimmy Carter se tourne vers un général qui a servi en Iran, Robert Heuser, interviewé en 1981. J'avais pour mission d'aller donner aux militaires iraniens l'assurance que les États-Unis les soutiendraient. Bruce Riddell, attaché à la CIA. Il devait vérifier si l'armée iranienne était prête à tenter un coup d'État et à écraser la révolution. Le général Heuser doit obtenir de l'armée qu'elle défende le trône en l'absence du Shah. Amiral Habibollah. Il nous a demandé quels étaient nos plans, si l'armée comptait reprendre la main. Alors, vous avez un plan? Qu'est-ce qui est prévu? Général Heuser. Il nous fallait bien un plan. Ces amiraux et ces généraux étaient les premiers à dire qu'il fallait agir. Mais quand on leur demandait comment, alors là, il n'y avait plus personne. Amiral Habibollah. Le Shah ne nous avait jamais laissé l'initiative. Il avait trop peur que l'armée tente de gouverner le pays sans lui. Dans sa hâte, le général américain en oublie sa visite de courtoisie au Shah. Aslan Afshar, chef du protocole. Je n'ai jamais vu Sa Majesté aussi furieux. Pardonnez-moi l'expression, mais il a dit « Ce salaud est venu en Iran uniquement pour rencontrer les généraux. Et maintenant il veut me voir juste pour me dire au revoir. » Général Heuser. Il m'a rappelé à l'ordre, comme seul le Shah pouvait le faire. Et il fallait voir la façon dont il vous fixait de son regard pénétrant à travers ses lunettes. Il m'a dit que je ne devais pas oublier qui était le roi des rois. Mohamed Reza Shah. Je ne l'ai vu qu'une fois. Lorsqu'il a accompagné l'ambassadeur des États-Unis pour s'enquérir de la date et même de l'heure de mon départ. Je n'ai rien évoqué d'autre avec le général Heuser. Vivante, cette semaine, plein feu sur l'Iran. Aujourd'hui, un homme chasse l'autre. 31 décembre 1978, le Shah nomme un opposant de toujours, le social-démocrate Shapur Bakhtiar, au poste de Premier ministre. I hope that we can settle all dispute and misunderstanding between the king and the nation. We hope. دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم. Comment concilier un tel régime dont les deux têtes, le roi et son premier ministre, semblent ne pas tout à fait être accordés au même diapason? Shapur Bakhtiar. Quel que soit le mécontentement, il faut reconnaître que les manifestations dont vous avez été témoin peut-être il y a quelques mois, ont pour cause l'insuccès de ces mesures et ce genre de gouvernement dictatorial qui a engendré, bien sûr, une corruption rarement égalée. Farah Pahlavi, interview 1999. Je répète encore qu'il faut juger un pays et un régime et un être, un politicien, avec tout ce qu'il a fait de positif et tout ce qu'il a fait de négatif. L'Iran, il y a eu quand même pas mal de choses de construit en Iran. Il n'y a qu'à aller même aujourd'hui, même les ruines montrent ces milliards de dollars de revenus de pétrole iranien. Mais avec quoi a été construit les routes, les complexes pétrochimiques, le réseau de chemin de fer, les industries, la sidérurgie, Dieu sait, des écoles, des universités, des cliniques et tout ça, on a dépensé de l'argent pour. Bien sûr, les Romains disaient malheur aux vaincus, on ne pose pas de questions à un général qui est vainqueur. Là, puisque je suis assise ici en exil, c'est difficile, je n'ai pas les moyens qu'a le pouvoir d'aujourd'hui en Iran pour défendre certaines choses. Mais ma seule défense, c'est le bon sens des Iraniens qui comparent aujourd'hui, et même le bon sens des gens qui comparent et qui ont vu. Et même par les ruines, voit ce qui avait été fait en Iran. 16 janvier 1979. 4 500 000 personnes dans la rue, un spectacle inoubliable, des milliers de klaxons, des dizaines de milliers de fleurs, de bonbons, de gâteaux, jetés par poignées pour la fête. Des centaines de milliers de portraits de l'ayatollah Khomeini affichés dans les moindres recoins de Téhéran. Des grappes humaines sur les camions militaires, des gens qui s'embrassent sans se connaître, des femmes qui pleurent en agitant leurs doigts en V pour victoire. Tandis que le Shah et sa femme quittent l'Iran, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis depuis 12 jours pour un sommet aux Caraïbes, très exactement à la Guadeloupe. Pour eux, le Shah est maintenant une cause perdue, seul le nouveau Premier ministre Shapour Bakhtiar incarne à leurs yeux l'espoir de conserver un Iran pro-occidental, un rempart contre l'URSS. Mais les chances sont des plus minces. Hassan Naraghi. Je suis allé voir Shapour Bakhtiar et il y avait devant sa maison deux tanks. Qu'est-ce que c'est que cette vie que tu as ? C'est un prisonnier, lui. Il ne pouvait pas sortir. Parce que la population, à ce moment-là, était montée, était pour Khomeini. Il n'a pas pu gouverner. Et puis, le même aussi, c'est une victime d'une certaine laïcité à la française. Lui est un mauvais élève de l'école française. Il ne voyait pas du tout la religion. Il ne voyait pas la portée de la religion. Rola Khomeini, depuis Neufle-le-Château, le soir du départ du Shah. Pour nous, le départ du Shah n'est qu'une première étape. Il reste devant nous de nombreuses difficultés. Notre peuple doit savoir que le départ du Shah n'est pas une victoire, c'est le prélude d'une victoire. Je félicite le peuple iranien plus d'avoir obtenu l'élimination du pouvoir étranger en Iran que d'avoir obtenu le départ du Shah. Bani Sadr. Bien, alors un jour, M. Khomeini m'a demandé est-ce que c'est le moment de rentrer en Iran. Il y avait beaucoup qui disaient non, parce qu'il y avait le danger que l'avion que l'amène M. Khomeini à Téhéran soit dirigé vers une autre destination. D'ailleurs, un tel plan existait. Et on espérait un arrangement. À la Guadeloupe, Jimmy Carter demande au président Giscard d'Estaing de l'aider à convaincre Khomeini de rester loin d'Iran. Claude Chaillet, émissaire du gouvernement français. Le président de la République me dit « J'ai reçu un message du président Carter qui me demande de le transmettre à Khomeini. » Je suis arrivé, j'ai retrouvé mon ayatollah. Je leur ai dit que c'est le souhait du président des États-Unis, que naturellement il fallait laisser un peu de temps pour que Shapour Bakhtiar puisse faire front aux difficultés de l'époque et que par conséquent il souhaitait que l'ayatollah diffère son retour en Iran. Bani Sadr, un proche de Khomeini. Alors, moi, j'étais parmi les gens que disaient un leader ne peut pas manifester sa peur de danger. Alors, si un peuple, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il a renvoyé le Shah, et que un chef qui n'ose pas de entrer, sachant que tout un peuple il est là, pour le réclame, il a démissionné. Il n'est plus chef. Donc lui aussi était de cet avis. Moshen Sazegara, conseiller de rôle à Roménie, annonce le château. L'émissaire du gouvernement français lui a dit, si vous ne soutenez pas le gouvernement Bakhtiar et qu'il échoue, vous aurez affaire à l'armée. Pour nous, c'était une menace à peine déguisée de coup d'état militaire. Alors là, l'ayatollah Khomeini s'est fâché. Il m'a répondu, le président Carter doit comprendre, c'est que s'il veut que les relations se rétablissent normalement, il faut naturellement qu'il cesse d'appuyer des forces contraires aux vœux du peuple. Khomeini demande à ses partisans de donner des fleurs aux soldats. Mohsen Rafik Doust. Les manifestants criaient des slogans du genre « Frères soldats, nous vous donnons des fleurs, ne nous tirez pas dessus ». Parmi les soldats, beaucoup d'appelés sont aussi des partisans de Khomeini. Ils désertent en masse. C'est une armée en déroute comme coupée en deux. Ahmed Salamatian. Le Shah, une des appellations qu'il se donnait, un des titres qu'il se donnait, il s'appelait le père de la nation, le père couronné de la nation. Son père disait aussi la même chose. Si la nation n'avait pas le sentiment qu'il soit son père, au moins l'hiérarchie militaire, et une grande partie de l'hiérarchie militaire, le considérait comme le patriarche, le père qui dominait. Et l'armée iranienne, dans son ensemble, c'était une armée qui ne s'appuyait pas tellement sur sa base, qui psychologiquement dépendait beaucoup plus de son sommet. Avec le départ du Shah, il y avait un moment où on avait l'impression qu'il y avait une pyramide organisée de forces qui restait sans tête. La tête était vide. Et avant même de l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, l'ayatollah Khomeini a commencé à remplir cette place. Mohsen Rafik Doust. Nous avons demandé aux gens de donner des habits civils pour les déserteurs. Mais le problème, c'est que quand ils étaient à l'armée, ces soldats devaient porter les cheveux très courts. Du coup, la police militaire s'est mise à arrêter tous les hommes en civil qui avaient les cheveux courts. On a donc demandé à tous les jeunes gens de se couper les cheveux très courts. Une partie de l'armée est prête à tout pour stopper Khomeini. Amiral Habibolaï. Nous cherchions des moyens de l'empêcher de rentrer. Il y a même quelques officiers parmi nous qui ont proposé que son avion ou son hélicoptère soit abattu en vol. Une armée et des services de sécurité dont le grand reporter Roger Pic retrace l'importance au moment de la chute du Shah. Les fabuleux gisements de pétrole de l'Iran, ses frontières à l'est avec l'URSS et l'Afghanistan communiste, ces 2500 km de côte sur le golfe Persique donnaient au royaume du Shah une position clé dont il sut tirer profit et que les États-Unis entendaient protéger et contrôler. L'Iran devint ainsi une puissance militaire moderne et suréquipée de 450 000 hommes entraînés par 40 000 conseillers américains. Le Shah en était le commandant suprême. Il faut ajouter aux effectifs de l'armée 70 000 hommes des forces paramilitaires de sécurité, plus les immortels, la garde spéciale de l'empereur et les 50 000 hommes de la SAVAK, la redoutable police politique, omniprésente dans tout le pays avec ses réseaux de centaines de milliers d'indicateurs. Le budget de la défense en 1978 était plus important que tous les crédits cumulés de l'éducation, de la santé publique, de la sécurité sociale, de la construction, du développement rural et de l'agriculture. Essentiellement fournis par l'Amérique, les armements permettaient à Washington de recycler une bonne partie des pétrodollars tout en confortant son bastion stratégique le plus sûr du Proche-Orient. Mais le Shah, pour maintenir son pouvoir face au mécontentement populaire, devait considérablement renforcer en priorité ses forces spéciales entraînées au combat de rue et à la lutte anti-insurrectionnelle. Les immortels du général Ali Messa constituaient le fer de lance des forces d'intervention anti-émeute. 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini rentre à Téhéran. Peter Scholl-Latour fait partie des journalistes présents dans l'avion du retour. Le soleil se levait, c'était l'heure de la prière du matin. Je ne l'ai plus jamais revu d'aussi bonne humeur que ce matin-là. C'est la seule fois où je l'ai vraiment vu sourire. Une fois qu'il a eu terminé sa prière, il a tendu un dossier marron à Tabatabai. Paul Balta est également de ces journalistes présents dans l'avion du retour. Khomeini était en première classe. On avait retiré les hôtesses. Il y avait des stewards. Et une heure avant d'atterrir, Banissad et Robtsadeh, qui a été ministre des Affaires étrangères avant d'être exécuté, étaient venus vers moi en me disant, voilà, Khomeini va recevoir trois journalistes qu'il connaît un peu, dont vous. On m'a emmené. Et je lui dis, imam, vous êtes sur le point de poser le pied sur votre terre iranienne, que ressentez-vous ? Il y a eu un long silence. Et il a répondu, rien. Bani Sadr. C'était très choquant, comment rien. Est-ce qu'on peut, face à un Iran rajeuni, confiant, gai, être sans sentiment ? Mais étant donné que nous censurions concernant M. Khomeini, c'était notre grande erreur, nous fermions nos yeux et nos oreilles, alors on a interprété, voilà, ce grand soufi qui, vous voyez, même au sommet projet de son victoire, il ne sent rien. C'était comme une spiritualité pure. Mais après, on s'est constaté qu'effectivement, signifiait un pouvoir absolu. Notre épisode était intitulé « Un homme chasse l'autre », une réalisation de David Golan. Demain, la suite de cette évocation. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.